En Angolin, il y a eu le 14 juillet un rassemblement de félicitations consacré à la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants. Les orateurs ont affirmé que la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée est la preuve de la conviction et de la volonté invariable de tout le peuple coréen, déterminé à achever à coup sûr, suivant la direction de Sun Gun du maréchal, la cause révolutionnaire Chuché, inaugurée et dirigée par le président Kim Il-sung et son Excellence Monsieur Kim Jong-il.